D'après le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibo, le Forum pour la démocratie et la paix 2017 et le Conseil national du peuple pour l'instauration du gouvernement attaché à la démocratie et à la paix et la grande réforme ont accordé le 22 une conférence de presse à Séoul pour revendiquer d'enlever les sanctions et blocus militaires contre la République populaire démocratique de Corée en cours au nom de l'ONU.